Entre nous, du dard éventuel, lu pour LibriVox.org par Sandra, près de Montréal, 2022. N'en déplaise, madame, à la mode nouvelle, l'action que je crois la meilleure est bien celle, non d'avoir des rubans et des fleurs, non d'avoir des parfums de lubin embaumant son boudoir, mais de faire entre nous ce que fait cette femme qui n'est pas riche et qui met sa bourse et son âme au service de ceux qui vont par le chemin, frapper de porte en porte et demander du pain. 10 pauvres vont dîner les samedis chez elle en hiver. S'il fait froid, si le mercure gèle, vers midi l'on peut voir femme, mari, enfant, revenir prendre place à sa table et content paisiblement sortir par la porte bâtarde. Cette femme, elle est veuve, habite une mansarde, avec ses 2 enfants, 2 garçons, 2 petits. Et le soir, quand ces gens, les pauvres, sont partis, qu'il fait bon près du feu, que la veuve s'ennuie, assise dans sa chaise en vieux cuir de Russie, elle songe, en voyant ses enfants bien couverts, « Le bon Dieu devrait bien supprimer les hivers. » Fin de poème. Cet enregistrement est dans le domaine public.